attention. Acclame bien Dieu, le Dieu du tournant, le Dieu du tournant décisif. Seigneur, nous prions que tu reçoives la gloire. Nous te bénissons cet après-midi. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Nous t'accueillons dans nos vies. Comme le Dieu qui change la vie. Le Dieu qui transforme la vie. Le Dieu qui arrose nos vies. Le Dieu qui nous fait témoignage. Et les yeux qui nous verront, ils témoigneront de notre vie. Sois glorifié cet après-midi au milieu de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni ce soir. Et sa présence est forte au milieu de nous. Et les hommes et les femmes qui ont rencontré Dieu, ils ne sont jamais restés les mêmes personnes. Alléluia. Amen. La meilleure rencontre dans la vie, mzuri, c'est rencontrer véritablement le Seigneur. Ceux qui marchent avec Dieu na Mungu, parviennent à vivre la fidélité de Dieu. Kuishi wa Mungu. Alléluia. Amen. La main invisible de Dieu wa Mungu agit en faveur de ceux qui croient en lui. Unatenda kwa wale nous croyons que ce mois du tournant décisif kama mwezi huu wa tournan decisif apporte véritablement un tournant dans nos vies. Inaleta mabadiliko maishani mwetu. La vie spirituelle, maisha ya kiroho, la vie de l'intelligence, maisha ya kiakili, la vie professionnelle, maisha ya kikazi, nos familles. Zetu, au sortir de ce programme, huu, je prie que Dieu te donne de nouveaux yeux pour voir ton destin. Mungu akupe mecho ya mpya, ili kwamba uone maisha yako ya kesho. Alléluia. Amen. J'aimerais même 10 ans plus tard parler du mois de juin 2018. Kisha miaka 10 ningelitamani hata kushuhudia kwa ajili ya mwezi huu. Lorsque le programme a commencé, j'ai acheté un carnet particulier pour le mois du tournant décisif. Wakati mkutano huu ulianza nilinunua carnet kwa ajili ya mwezi huu tu. Il y a des choses que j'ai écrit ici pour moi et avec le Seigneur. Kuna vitu nimeandika hapa kwa ajili yangu na kwa ajili ya Bwana. Et lorsque le mois va se clôturer, je vais garder jalousement ce carnet. Na wakati mwezi utakwisha nitaweka buku hili. Parce que c'est un carnet du programme avec le Seigneur. Ni buku la mpango na Mungu. Il y a des choses que je garde dans mon cœur. Kuna vitu naweka moyoni mwangu. Mais il y a des choses que je voulais absolument écrire. Na kuna vitu nilitamani kuandika. Un jour je m'asseyerai dans ma maison avec mes enfants. Siku moja nitakaa nyumbani mwangu na watoto wangu. Peut-être avec des amis. Na warafiki, j'ouvrirai ce carnet. Nitafungua. Je leur dirai, ça fait 10 ans nous étions dans un programme. Nitawaambia na kwa miaka 10 tulikuwa katika mpango. Nous avons parlé au Seigneur. Tuliongea na Mungu. Et aujourd'hui nous vivons ce que nous avons parlé avec na Dieu. Na leo tunaishi yale ambayo tulikuwa tukiongelea. Je voudrais encourager quelqu'un à acheter un carnet pour écrire des choses spécifiquement pour ce programme. Ninaomba mtu anunue buku kwa ajili ya mpango huu tu. Alléluia. Amen. Je crois fermement que le Seigneur est accompagné avec nous. Naamini kama Mungu ako katika mkutano na sisi. Saluez le frère et la sœur qui est à côté de toi, dites-lui que Dieu te bénisse. Je te communique la grâce qui est à moi. Amen, je reçois. Tu me communiques je vous communique également ma grâce. Amen. Amen. Il a bien communiqué sa grâce, il a prononcé ça. Saisis la main, dis je te communique la grâce qui est à moi. Shika jirani yako na mamlaka ulionayo mwambie. C'est un moment de transfert. Nakupatia neema nilionayo pokea. Où les vases communiquent, se communique les grâces. Vyombo vya Bwana vinajipatiana neema. Alléluia. Amen. Nous avons commencé à parler de tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fait lui réussir. Tumeanza kusema yote anayofanya inafaulu. Et depuis hier nous parlons de la réussite dans le domaine de la profession. Na tangu jana tunaongelea kuhusu kufaulu katika kazi. Nous avons intitulé le thème réussir dans la profession pour augmenter l'impact chrétien. Mada ni kwamba kufaulu katika kazi ili kwamba tuzidishe matokeo ya Kikristo. Réussir dans le domaine professionnel où Dieu vous a établi contribue à augmenter l'impact chrétien. Kufaulu ndani ya kazi ambapo Mungu amekuweka inazidisha ushawishi wa Kikristo. Autrement, tout ce que vous faites est appelé, est destiné à contribuer, à augmenter, à croître la visibilité de Dieu, si je peux utiliser l'expression. Yote ambayo unafanywa, inaitwa kuleta na kuzidisha kuonekana kwa Mungu. Si Dieu doit parler aux hommes, il veut que les hommes de cette génération soient le matériau didactique pour lui. Kama Mungu ataongea na watu na kuinua watu, nataka wale watu wawe vyombo vya mifano kwake. Hier, nous nous sommes focalisés sur le sens, la compréhension du concept impact chrétien, c'est quoi? Jana tuliongelea zaidi kuelewa matokeo, ushawishi wa Kikristo inamaanisha nini? Lorsque nous parlons de l'impact chrétien, qu'est-ce que cela veut dire? Tunapongelea ushawishi wa Kikristo, nini inamaanisha? Nous avons commencé à montrer que les actions ou les actes qui sont posés produisent des résultats. Tumeonesha kwamba mambo unayofanyika, matendo inatosha matokeo. Et lorsque le résultat est positif, il est satisfaisant, on peut appeler cela un succès ou une réussite dans la vie. Wakati matokeo ni nzuri, wanasema iyo ni ushindi. Et lorsque la réussite ou le résultat bénéficie à plusieurs personnes, ça atteint la dimension de l'impact. Wakati ushindi wako unafaidia watu wengi, wanaita ushawishi. Lorsque nous parlons de l'impact chrétien, tunapongelea ushawishi wa Kikristo, nous pouvons le comprendre à deux niveaux. L'impact chrétien peut être compris comme la sommation, l'addition de plusieurs réussites des enfants de Dieu dans leur temps et dans leur génération. Ushawishi wa Kikristo inaweza kumaanisha ushindi nyingi za watoto wa Mungu. Lorsque Dieu permet que Christian réussisse, et je réussisse, un autre frère, une autre sœur, une famille, lorsque tous ensemble nous atteignons une dimension de succès, ça crée un effet dans notre environnement. Wakati Mungu anaruhusu tufaulu sote, hiyo inaleta ushawishi katika mazingira yetu. Et nous avons commencé à parler de ces résultats comme des réponses à des besoins. Na tulianza kuongelea hiyo matokeo kama vile majibu kwa shida zilizo. Lorsque un résultat obtenu à la suite des actions posées ou un travail accompli est une réponse à un besoin dans l'environnement, c'est cela qu'on appelle impact. Wakati matokeo ya mambo unayofanya na kuja na inajibu tatizo fulani ya mazingara yako, ni hiyo wanaita ushawishi. Une personne crée une radio dans une ville. Mutu analeta radio katika mji. Et à travers sa radio, na kupitia radio yake, il développe des programmes d'éducation. Anapana mipango za kufundisha. Et à travers ce programme d'éducation, na kupitia hizo mipango za madhibisho, il est en train de modeler une forme de comportement dans la vie de ses concitoyens. Ako naunda tabia fulani katika maisha ya wakahaji. Et cette simple radio qui est quelque part est en train de changer même la mentalité d'une société. Na hiyo radio iliyo nafasi fulani inabadilisha namna ya kutembea kwa nafasi fulani. Il y a même des personnes qui prennent des initiatives grâce à une émission qu'il a attendue. Na kuna watu wanakamata mahamzi kwa ajili tu ya émission ambayo alifuata. Tu seras dans un petit studio d'une station de radio. Utakuwa katika nyumba kidogo, studio ndogo katika nyumba fulani. Mais à travers ces émissions qui sont diffusées, il y a des décisions qui sont prises dans la ville. Na kupitia hizo émissions zinafanyika, mahamzi makubwa yanakamatika. Il y a un papa qui n'arrivait pas à temps, mais grâce à une émission, il estime qu'il peut encore prendre en charge sa famille. Kuna baba alikuwa ahudumie jamaa yake, lakini juu tu ya émission anaamua kuanza kuwa baba mzuri wa kuhudumia jamaa. Dans une petite cellule, mais il y a de l'impact dans la société. Uko ndani ya kachumba kadogo lakini mato. Donc nous parlons des actes posés mais qui produisent des résultats et qui sont une réponse à des besoins dans la société. Tunaongelea mambo inaofanyika, inaovuna, inaotoa matokeo ambayo inajibu katika haja za mazingara. Notre société fait face à l'ignorance. Mazingara yetu inakuwa ikipiganisha na ubovu wa akili. Notre société fait face à l'injustice. Mazingara yetu inaishi kutokuwa na haki. Il y a l'absence de dignité humaine. Awaheshimu haki za mtu. Il arrive de fois que vous voyez un être humain comme toi, tu te dis mais est-ce qu'il mérite ce qu'il vit? Kuna mara utaona mtu na kujiuliza huyu anastahili mambo anayoishi? Il y a un jour je passais à côté de Île Africa, je crois c'est vers l'année 2010. Kwa mwaka 2010 nilipita pembeni ya Île Africa. J'ai vu quelques enfants de la rue qui étaient à côté d'une poubelle. Nimeona maibobo walikuwa karibu ya yalala. À un moment donné, j'ai eu l'impression que je ne voyais pas clairement ce qui se passait. Et je expressement approché pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai vu un enfant qui touchait dans la poubelle, qui enlevait la nourriture, il mettait dans sa bouche. J'ai dit, ça c'est dans mon pays. C'est sous mes yeux. Et j'avais honte. J'avais des larmes aux yeux. J'ai pensé à mes enfants qui étaient à la maison à qui j'amenais de la nourriture. Et je m'imaginais cet enfant dans la poubelle, s'il vous plaît. Je n'imagine pas l'histoire. Qui est cet homme, cette femme qui s'élève pour dire ça doit s'arrêter? Que ces enfants qui mangeant dans la poubelle, vous pensez qu'il a un bon cœur à la fin? Quand il te voit passer calmement avec tes enfants, main dans la main, et lui, il va dans la poubelle pour manger. Où est la dignité humaine dans cette génération? Alléluia. Amen. Nous faisons face à des défis qui demandent des actions courageuses. Dans Proverbes 29, le verset 2e. Mezali 29 mustari wa pili. Quand les justes se multiplient, wakati wenye haki wanaongezeka, le peuple est dans la joie. Taifa iko ndani ya furaha. Quand les justes se multiplient, wakati wenye haki wanazidishwa, le peuple est dans la joie. Taifa iko ndani ya furaha. Quand le méchant domine, wakati wabaya wanatawala, le peuple gémit. Taifa inateseka na kulia. Le sens de la multiplication dont l'auteur de ce texte parle, maana ya kuzidishwa ambao umwandishi anasema, si vous comparez cette multiplication avec la deuxième partie du verset, ukilinganisha na atua ya pili ya verse, il est simplement en train de montrer que si les justes arrivent à contrôler certains secteurs de la vie, il y a de la joie qui est communiquée et la vie qui est communiquée. Anatamani kusema kama wenye haki wanaongoza viwango fulani vya maisha, ni furaha na kutosheka njo itaonekana. Alléluia. Amen. Les justes doivent se multiplier à travers le pays. Yabidi wenye haki wazidishwe katika nchi. Les justes doivent occuper certains secteurs. Wenye haki watashambulia viwango fulani vya makazi. Nous devons aller jusqu'à les contrôler. Tuyaongoze. La Bible déclare lorsque le méchant domine, wakati muovu anatawala, c'est la méchanceté. Ni ubovu. Le peuple gémit. Taifa linalia. Le peuple dans la peur. Taifa wako ndani ya woga. Le peuple est intimidé. Taifa wanatishishwa. Le peuple n'a pas d'espérance. Hawana matumaini. Le peuple ne sait pas où est-ce qu'il va. Taifa ajua anakwenda wapi. La démission des justes est une faute grave. Le fait pour nous, les justes, de nous retirer devant les défis de la vie, c'est une erreur. Wakati mwenye haki anakatala kutenda, inakuwa ni makosa makubwa. Dieu nous a appelés à apporter des réponses à des situations qui sont dans notre génération. Mungu ametuita kuleta majibu kwa magumu iliyo katika karne letu. Et les versets bibliques, il y en a beaucoup si vous en avez besoin. Na maverse za Biblia zinakuwa nyingi. Lorsque la Bible déclare que vous êtes la lumière du monde, Biblia inaposema wewe ni nuru ya ulimwengu. C'est nous qui devons apporter la lumière sur des ténèbres qui règnent. Ni sisi tutaleta nuru kwa giza inayotawala. Cette façon d'apporter la lumière, elle n'est pas théorique, c'est par des actions concrètes. Nuru tunaileta ni katika mambo tunayofanya. Nous devons poser des actes qui éclairent, qui ôtent la tristesse, le gémissement qui est sur le cœur. Tufanye matendo inayoleta nuru na kuondoa tatizo na kulia iliyo moyoni. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui comprennent cet appel. Bwana tupatie watu wanaoelewa mwito huu. L'impact chrétien, c'est communiquer l'espérance. Ushawishi wa Kikristo ni kuleta tumaini. L'impact chrétien, c'est redonner la vie. Ushawishi wa Kikristo ni kupana uzima. L'impact chrétien, c'est redonner encore la dignité humaine. Ushawishi wa Kikristo ni kufanya kwamba mtu aheshimike. Je vous invite encore à revenir dans le texte que nous avons lu hier à la fin. C'était Job 29. Tusome tena Yobu 29. Je crois qu'il y a deux versets qu'on n'a pas lus à la fin. Kuna verse mbili atukusoma kwa mwisho. Lorsque nous comprenons ce que Job était devenu, tunapoelewa ile ambayo Yobu alifikia kuwa. Job était devenu le symbole de l'espérance à son temps. Yobu alikuwa alama ya matumaini kwa nyakati zake. Il dit que j'étais l'œil de l'aveugle. Akasema nilikuwa jicho la kipofu. J'étais les pieds du boiteux. Nilikuwa miguu ya kilema. J'apportais le secours à l'orphelin. Nilibeba nilibeletea msaada yule aliyeyatima. Je redonnais du goût à la vie à la veuve. Nilipatia hamu ya kuishi yule asiyekuwa na mume. Je prenais en charge l'opprimé. Nilikuwa nikitetea na kuhudumia wanaoteseka. Au verset 24. Makumi mbili na ine. Il dit que je leur offrais mon sourire. Niliwapatia cheko langu. Je vais prendre une version qui est un peu plus Job, s'il vous plaît. Job 29, le verset 24. Il est en train de dire, je leur souriais quand ils perdaient courage. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Dans d'autres versions, il est dit, quand ces personnes regardaient mon visage, ils retrouvaient le goût de la vie, ils retrouvaient encore l'éclat de la vie. Ingine tradition wanasema wakati wale watu waliona uso wangu walipokea tena kicheko. J'étais cet homme au milieu de ce peuple affligé pour leur redonner encore un sourire d'espoir. Nilikuwa mtu miongoni mwa watu wenye kuteseka kwa ajili ya kuwapatia matumaini. Au verset 25, j'aimais aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. Nilipenda kwenda karibu nao na nilikaa kichwani pao. Dans d'autres versions il est dit, je leur montrais le chemin par lequel ils doivent passer. Nilikuwa nikiwaonesha njia ambayo watafuata. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Nilikuwa kama vile mfalme miongoni mwa watu. J'aime la fin, comme un consolateur auprès des affligés. Nilikuwa kama vile mwenye kutia moyo wanaoteseka. L'impact chrétien apporte la consolation auprès des affligés. Ushawishi wa Kikristo unaleta kutulizwa kwa wenye kuteseka. L'impact chrétien permet de redonner encore du courage de continuer à marcher. Ushawishi wa Kikristo unaleta nguvu ya kuendelea kutembea. Quand tout le monde pense que nous sommes finis, il n'y a plus d'espérance, tu peux revenir pour dire c'est possible d'avancer. Wakati watu wote wanazania kwamba mambo yamekwisha, hatuwezi tena. Kuja na useme inawezekana uendelee. Et Job, c'est cet homme qui est le vrai modèle de l'impact chrétien. Ayubu anakuwa mfano wa ushawishi wa Kikristo. Et nous avons montré que toute profession que Dieu nous donne, tumeona kama kila kazi Mungu anatupatia, est un ministère que Dieu nous confie. Ni uduma Mungu anatupa. C'est un canal par lequel Dieu veut atteindre les personnes qui sont dans votre environnement. Ni njia ambayo Mungu anapenda kutumia kwa kuweza kukutana na watu walio katika mazingara yako. Dans toutes les dimensions de la vie. Ndani ya kila kiwango cha maisha. Et nous aurons peut-être des degrés différents d'appel. Tutakuwa na viwango mbalimbali vya mwito. Il y a des personnes qui peuvent affecter l'environnement proche de leur famille ou de leur travail. Kuna watu watashawishi mazingara ya jamaa ama ya kazi. Il y a des personnes qui ont la vocation d'impacter toute une province, tout un pays. Kuna wenye kuwa na mwito ya kushawishi jimbo ama inchi. Et dépendant de la grâce que Dieu a investie à vous, il y a ceux qui vont aller jusqu'à impacter le monde entier. Kulingana na neema, kuna wale watakwenda kushawishi hata ulimwengu mzima. Alléluia. Amen. À travers les grâces, les talents, les dons, les capacités, le couloir professionnel que Dieu a prévu pour vous. Kupitia vipaji Bwana aliyoweka juu yao. Nous avons beaucoup insisté hier pour montrer qu'il n'y a pas d'impact sans résultat, il n'y a pas de résultat sans action. Jana tumesema hauwezi kushawishi pasipo kutenda. Na kuna matendo pasipo hakuna samani. Y a pas d'impact sans résultat. Okay, hakuna kushawishi pasipo mambo uliofanya. Et nous ne pouvons pas avoir de résultats si nous ne faisons rien. Na hauwezi kukua na matokeo kama haufanyi lolote. Et comme nous sommes en train de parler de la réussite dans la profession, il est important que pendant ce moment de prière, tu commences à poser la question, c'est quoi exactement que tu veux que je fasse? Mana tuko tukizungumzia ushindi, inabidi ujue nini utakuwa ukifanya. Et nous avons insisté sur le fait que la qualité de l'impact dépend de la qualité de ce que vous faites. Aina ya mashawishi ushawishi wako italingana na aina ya mambo unakuwa ukifanya. Donc il ne s'agit pas simplement de faire les choses pour le faire, il y a de la qualité, il y a des principes qu'il faut observer. Usifanye mambo juu ya kuyafanya tu, lakini fuata kanuni na taratibu. Nous avons besoin de quitter cette conception classique du ministère qui était compris comme prédicateur, évangéliste, chanteur, je ne sais pas, ainsi de suite. Tout ce que Dieu vous permet de faire est un ministère. Tuache kuzane kama uduma ni kuwa tu mwimbaji, muhubiri na kadhalika. Yote ambayo Mungu anakupatia kufanya kama kazi inakuwa uduma. Hallelujah. Amen. Tout ce que vous faites, c'est un moyen par lequel Dieu peut parler à votre environnement. Ça peut être utilisé pour vous donner des revenus, de l'argent, pour votre survie, pour votre vie professionnelle. Mais derrière ça, il y a la mission de Dieu. Nous avons parlé de médecins qui peuvent transformer leur cabinet médical à un lieu de communication des valeurs chrétiennes. Nous avons parlé des avocats, des magistrats qui peuvent transformer leur travail en un moyen de rendre justice effectivement à ceux qui sont victimes de l'injustice. Dieu peut te donner un taxi, mais à travers le taxi, il y a des gens qui sont attirés vers le Seigneur. Dieu donnera l'intelligence à certains d'entre nous qui vont créer des banques, des institutions financières qui vont contribuer à arrêter la pauvreté qui est au milieu de nous. Mungu atapatia watu akili na mamulaka ya kufungua mabank. Hiyo itasaidia kwa kumaliza umasikini. Et lorsque tu es en train d'octroyer un crédit à quelqu'un ou tu es en train d'encourager les gens à quitter la pauvreté, tu leur enseignes les valeurs chrétiennes. Wakati uko unapatia watu deni kwenye bank na uko unawafundisha taratibu za Kikristo. Bref, la prophétie profession d'un enfant de Dieu, elle n'est pas simplement profession comme ça se comprend, c'est un ministère. Kwa ufupi, kazi ya mtoto wa Mungu haiko tu kazi, lakini inakuwa ni huduma. Et nous avons la bonne promesse de Dieu. Na tuna ahadi nzuri ya Mungu. Au temps de la fin, kwa siku za mwisho, il va élever son peuple. Atainua taifa lake. Il va bénir son peuple. Atabariki taifa lake. Afin que le peuple de Dieu devienne une référence. Ili kwamba taifa la Mungu wawe mfano. Et devienne un témoignage. Na wawe ushuhuda. Aujourd'hui, j'ai promis de parler de principes ou de règles qui soutiennent la réussite dans la profession. Leo nitaongelea kanuni zinazosupporti kufaulu katika kazi. J'ai prévu de parler de quatre principes fondamentaux. Nitaongelea kanuni ine. Si le temps le permet, on va les épuiser. Si ça ne permet pas, on y revient demain. Muda ukiruhusu tutamaliza. Kama muda uruhusu tutarudilia kesho. Alléluia. Amen. Les principes qui soutiennent votre marche vers la réussite dans la profession. Kanuni zinazoshikilia safari yako ya ushindi ndani ya kazi. On ne réussit pas par hasard. Mtu akwake anashinda kwa kuamka tu. Il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des attitudes qui doivent vous accompagner. Kuna kanuni na hali ambazo inabidi ufuate. Et vous devez les adopter dans votre mode de vie. Yakubidi uwe nazo katika maisha yako. La première loi incontournable, c'est la loi de la connaissance. Sheria ya kwanza ambayo hauwezi kuvuka pembeni inakuwa ni sheria ya ujuzi. Alléluia. Amen. La connaissance. Ujuzi. Dans le monde de la profession. Ndani ya kazi. La connaissance est la base de la réussite. Ujuzi inakuwa msingi ya kushinda. Dans Daniel, il est dit ceux qui auront été intelligents brilleront. Ndani ya Daniel inasemeka wale waliokuwa na akili watangaa. Je vous ai dit que la réussite est le résultat d'un processus. Nimewaambia kwamba ushindi inatokana na safari fulani. Et la qualité du résultat dépend de la qualité des connaissances que vous avez. Na hali uzuri wa matokeo unalingana na uzuri. La qualité de votre résultat dépend de la qualité des connaissances que vous avez. Uzuri wa matokeo unatokana na uzuri wa ujuzi. Vous ne pouvez pas émerger au-delà des connaissances que vous avez. Et dans le monde professionnel, ça ne marche pas. Soit vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Si nous voulons être excellents dans les domaines professionnels que Dieu nous a donnés, nous avons besoin d'obtenir la connaissance nécessaire. Que ce soit le ministère, que ce soit les autres formes de profession, le progrès dans votre vie dépend de la connaissance et la qualité de la connaissance que vous avez. Cette connaissance, c'est comme les autres. Les yeux qui vous permettent de voir la réalité de votre domaine professionnel. Et le niveau de votre connaissance détermine les limites de votre champ d'action. Et comme je le dis, ces limites sont déterminées par votre connaissance. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous connaissez. Et lorsque je suis en train de parler de la connaissance, je ne parle pas forcément de l'accumulation des diplômes. Parce que le diplôme ne signifie pas forcément la connaissance. Tu peux avoir des diplômes, mais avec une connaissance très limitée. Parce que la valeur même d'un diplôme dépend du processus par lequel tu as obtenu le diplôme. Dans notre génération, peut-être pas seulement dans ce pays, on a des diplômes que les gens ont obtenus par la fraude. Donc même si tu as un diplôme obtenu par la fraude, elle n'apporte rien dans votre tête. Il s'est créé aussi un environnement où les gens pensent que ceux qui ont des diplômes, c'est ceux qui ont du travail. Et parfois on a vu quelqu'un, il veut juste aller à l'université parce qu'il faut avoir tel niveau de diplôme. Je veux être licencié. Je vais avoir la maîtrise. Et bon, peut-être vous savez certains étudiants qui disent munitie tu kuliste kule bon tout a dû à sabina prof erasem. Kuna wengine wanafunzi wanasema munitie tu kwenye oroza nitajua wakati mwalimu anasema. Ça se passe comment? Quand il y a un TP collectif surtout. Wakati kuna mkaguo wa watu wote. Et jusqu'à la fin de l'année, il n'a jamais travaillé dans sa tête, mais il est quand même sur le liste. Mwake naisha na nakuwa kwenye ma liste na atumikake. Ce diplôme ne vous apporte absolument rien. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup d'estime pour ceux qui m'ont enseigné. Na heshimu sana walionifundisha. Mais je pense que notre système d'éducation a besoin d'être révolutionné. Nazana kwamba oroza muradi wetu wa madibisho inabidi ibadilishwe. Vous savez, nous étions pour certains d'entre nous un peu à l'université. Wamoja wetu tulikuwa kwenye university. On voyait des enseignants qui venaient avec des syllabus qui ont duré 10 ans, il y a de la poussière, il y a rien d'actualisation. Tulikuwa tukiona walimu wamoja wanakuja na mabuku za kufundishia ambazo zimefanya miaka 10, vumbi na jaa tele. Et ils vous obligent de les photocopier, de payer le droit d'auteur, et quand toi-même tu étudies, tu le lis, franchement tu trouves qu'il est vide. Wanawaamurisha muya photocopier na mulipe ma droit d'auteur na unaposoma nakuta kwamba amuna mambo ya maana ndani. Parce que la science évolue. Mana ujuzi unaendelea. Et la profession que Dieu nous donne est attachée à l'évolution de la connaissance. Na kazi ambayo Mungu anatupatia inahitaji tukue tukiendelea na kuendelea kwa ujuzi. Et l'objectif de la connaissance c'est d'adapter de répondre à des besoins actuels. Na ujuzi inatusaidia tujibu kwa haja za leo. Si une connaissance a été d'actualité il y a 10 ans ou 20 ans, il est possible qu'il n'est pas adapté aujourd'hui. Kama una ujuzi ambao ulikuwa umeka 10 umepita, yawezekana leo haitakuwa na faida kubwa zaidi. Les professionnels qui réussissent et qui excellent, ils sont actualisés au niveau de leur connaissance. Wafanyakazi wanaoenda mbali ni wale ambao wanakuwa wakijifunza siku kwa siku. Alors la nouvelle que j'ai avec vous, la prière ne peut pas remplacer l'effort d'acquérir la connaissance. Ujumbe nilionao juu yenu ni kwamba maombi haitafanya kazi pa nafasi ya ujuzi wenu. Parce que Dieu aurait dit à Josué, prie et la connaissance viendra dans ta tête. Il a dit que le livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, ce livre doit être devant toi. Il y a des choses que tu dois lire, il y a des choses que tu dois chercher pour mettre la connaissance dans la tête. Mungu kumwambia Yoshua, uombe na utapata ujuzi. Alimwambia, kitabu hiki usitengane nakyo, usome ili kwamba upate ujuzi. Alléluia. Amen. Les professionnels chrétiens, nous devons comprendre cette dimension. Wafanyakazi wa Kikristo tuelewe ili lengo. Sans la connaissance, nous ne pouvons pas émerger dans la profession. Pasipo ujuzi atutendelea ndani ya kazi. La foi, la grande foi que j'ai, peu importe qu'elle soit, elle ne peut pas m'apprendre à fabriquer une fusée. Haijalishi ukubwa wa imani wangu, haiwezi kunisaidia niweze kutengeneza ndege. Il y a des choses que je dois nécessairement apprendre. Kuna vitu yanibidi nijifunze. Si cela est mon couloir professionnel. Kama hiyo ni njia, ni nafasi yangu ya kazi. Alléluia. Amen. Les mêmes choses que les nations puissantes ont utilisées pour être ce qu'elles sont aujourd'hui, j'ai l'impression que nous les avons chez nous ici. Hiyo mambo ambayo mataifa yenye nguvu walitumia kwa kuwa jinsi walivyo, sisi tunayo vile vile. J'ai discuté avec notre papa et il m'a beaucoup révolutionné sur ce terrain-là. Nilikuwa nikiongea na baba akanishitua moyo kwa hiyo uwanja. Les matières qui ont fait de toutes ces nations puissantes sont sur nos pieds ici. Utajiri wa udongo uliofanya kwamba hiyo mataifa yawe na nguvu tuko nayo hapa. La seule différence c'est que vous avez deux personnes qui ont le même produit. Utafauti ni kwamba muna watu wawili wanaokuwa na hiyo mambo moja. Le premier, il se limite à regarder, il apprécie pierre précieuse, c'est beau, c'est le diamant, c'est l'or, ainsi de suite. Et il se limite là. Il ne sait pas aller au-delà de ça. Mmoja anakuwa kiaona na kufurahi hii oro alimasi ni nzuri. Et la deuxième personne a développé l'intelligence nécessaire pour transformer la même pierre que moi je suis en train d'admirer et devient même comme quelque chose un peu, comment on appelle ça? Un ornement dans ma maison. Mtu wa pili alijifunza kutumia hiyo alimasi na kufanya kwamba iwe utajiri katika nyumba, ipendeze nyumba. Si nous voulons réussir au plan professionnel, kama unapenda ufaulu ndani ya kazi, nous avons besoin d'augmenter notre connaissance. Tunahitaji kuzidisha akili yetu. Il y a quelques sources de connaissances. Kuna misingi chemchemu za ujuzi. Si vous n'avez pas un diplôme d'université ce soir, ce n'est pas ça le problème. Kama hauna cheti ya university, hiyo sio tatizo. J'aime toujours ce que nous faisons ici à l'église. Moi, je dis que cette église est une université de Dieu. Mimi nasema, hii kanisa inakuwa university ya Mungu. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises ici qui m'ont accompagné même dans ma vie professionnelle. Kuna vitu mingi nimejifunza hapa na imenisindikiza ndani ya kazi yangu. J'ai appris la sagesse en ces lieux. Nilijifunza hekima nafasi hii. J'ai été dans des conférences de professionnels dans cette église. Nilikuwa ndani ya kongamano za wafanyakazi katika kanisa hili. Lorsqu'il a plu à Dieu de m'exposer, wakati muda wa Bwana ulifika wa kunibeba mbele, il y a beaucoup de connaissances qui sont revenues encore dans ma tête pour dire Seigneur, maintenant c'est le temps. Kuna ujuzi nyingi zilirudia kichwani mwangu. Nikasema Bwana ni muda sasa. Je prie à chacun d'entre nous de prendre au sérieux tout ce qui est enseigné dans cette église. Naomba kila mmoja ashike kwa mikono miwili yale tunayofunzwa mahali hapa. Vous ne savez pas à quel moment une bonne parole, une vérité biblique qui vous a été communiquée à ce lieu, combien elle vous sera utile. Aujue kwa fursa gani neno unaosikia hapa itakufaidia. L'église est une source de connaissance. Kanisa inakuwa chemchemu la ujuzi. La parole de Dieu est une source de connaissance. Neno la Mungu ni chemchemu la ujuzi. Vous pouvez identifier une personne, une deuxième source. Unaweza kuona mtu aliye chemchemu ya pili. Qui est dans votre secteur professionnel. Ambayo ako ndani ya kazi yako. Vous pouvez apprendre de cette personne. Unaweza kujifunza kupitia mtu yule. Comment il a réussi? Namna gani alifaulu? Et comment est-ce qu'il peut être utile pour t'accompagner? Na namna gani anaweza kuwa msaada kwako kwa kukusindikiza? Je sais qu'on parle de secret professionnel. Najua il y a ce qu'on appelle le secret de ma réussite que je ne peux pas divulguer. Kuna mambo wanaita siri zangu za kazi. Mais en tant que famille de Dieu, lakini kama vile mtoto wa Mungu, lorsque nous sommes appelés tous à émerger à réussite, tunapoitwa sote kwa kuendelea, nous avons l'obligation de partager le secret de réussite que Dieu nous a donné. Yabidi tuambie wengine siri zetu za ushindi. Dans Daniel 12, le verset 3, Daniel 12:3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur. Waliokuwa wenye akili watangaa. Briller et réussir dans la profession kungaa na kufaulu katika kazi demande l'intelligence. Inahitaji akili. L'intelligence doit être alimentée. Yabidi akili ilelewe. Par des connaissances appropriées et actualisées. Kupitia ujuzi za kuongezeka kila siku. Le monde professionnel kazi, il appartient à ceux et à celles qui ont des connaissances appropriées. Ni ya wale wanaokuwa na akili nzuri. Vous savez qu'on dit même que l'information c'est le pouvoir, n'est-ce pas? Wanasema mara nyingi ya kama aliye na ujuzi, aliye na habari anakuwa na mamlaka. Actuellement, on va jusqu'à dire que l'information c'est le quatrième pouvoir. Na leo wanasema aliye na habari anakuwa na mamlaka, habari inakuwa mamlaka ya ine. Et ceux qui ont l'information, parfois ils manipulent ceux qui sont ignorants. Wale wanaojua wanakuwa wakicheza cheza na wasiojua. C'est pourquoi attaquer à fond de Dieu sur ce terrain de l'information, nous devons être avisés et vraiment très actif. Na wewe kama vile mtoto wa Mungu, kwa hii uwanja wa ujuzi inabidi ujitoe kweli. Vous savez que tout ce qui se dit à la radio n'est pas nécessairement la vérité. Yote inosemeka kwenye radio sio tu kweli. Surtout sur le plan politique. Zaidi katika hali ya siasa. Avant la je pense qu'il y a des journalistes ici parfois avant la diffusion, on vient censurer les choses à diffuser. Nadhani kuna wenye habari hapa mbele habari ipite wanaanza kuanza kuchembua. On vous dit ce qu'on veut que vous puissiez attendre. Wanawaambia ile ambayo mnahitaji kusikia. Pour modeler le comportement du peuple. Kwa kuweza kuelekeza hali ya kuwa ya taifa. Ce qui veut signifier que à travers une information qui est fausse, vous pouvez agir de manière fausse. Inamaanisha ukiwa na habari iliyo mbaya na utatenda vibaya. Et au plan professionnel, vous avez de mauvaises connaissances, c'est sûr que vous aboutirez à de mauvais résultats. Na ndani ya kazi wakati una habari mbovu na utafikiria matokeo mabaya. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Jean 8, 32. Yesu alisema katika Yohana 8:32. Vous connaîtrez la vérité. Mtajua kweli. Et la vérité vous affranchira. Na kweli itawaweka huru. La vérité vous rendra libre. Kweli itawapatia uhuru. La personne qui est libre, c'est une personne qui a les capacités nécessaires. Mtu aliye huru ni mtu aliye na mamlaka. Il a l'autonomie d'action. Anafanya ile nataka. L'accès à la vérité vous donne une autonomie d'action. Unapokuwa na ujuzi utatenda kwa hiari yako. L'accès à la vérité vous donne l'assurance de ce que vous faites. Unapokuwa na ujuzi utatenda ukiwa na uhakikisho. Vous êtes sûr de ce que vous faites. Una uhakikisho ya mambo unafanya. Vous êtes rassuré du résultat. Una uhakikisho ya matokeo. Chers frères et sœurs, mpendwa, les professionnels que nous voulons être selon le Seigneur, wafanyakazi ambao tunahitaji kuwa ne doivent pas être ignorants. Aibidi wao mapu. Vous savez que certaines personnes peuvent être chassées dans le travail. Kuna watu wanaweza kufukuzwa kazini. Parce qu'on a l'impression que ton système de pensée est déphasé par rapport sababu, à l'actualité. Hali yako ya kufikiri hailingane na mambo ya sasa. La qualité de votre connaissance doit contribuer à améliorer votre système de pensée. Hali ya ujuzi wako ikusaidie akili yako iendelee siku kwa siku. Et vous le savez que nous sommes le résultat de notre système de pensée. Tuko matokeo ya namna yetu ya kufikiri. Vous savez qu'il y a certaines églises qui nous ont enseigné avant que l'essentiel c'est d'aller au ciel. Kuna makanisa zamani zimetufunza kwamba ya muhimu ni kwenda mbinguni. Et toute autre chose était charnelle, d'ailleurs même au pire c'est un péché. Na mengine yote ilikuwa ni ya kimwili na ilikuwa ni dhambi. Si on voit le frère Christian qui a sa belle veste là, on dit voilà, il commence à être un peu charnel là. Wakati wanamuona pasteur Richard ananga katika suti yake wanasema ananza kwa kimwili. Quand on voit quelqu'un qui est en train d'émerger, il prend un très beau poste d'élévation, à cause que l'occultiste est où? Wakati mtu ananza kuinuka, wanaanza kusema huyo ni msuda. C'était comme un enseignement de pesanteur vers le bas. Ilikuwa kama jinsi mafundisho ya kushusha watu chini. Vers la médiocrité. Kushusha watu katika kuteseka. Et il fut un temps où on pensait que l'église est un lieu de refuge des pauvres et des malheureux. Na watu walikuwa kizana kama kanisani ni fasi ambapo wenye wamechoka na maisha wanakimbilia. Alors que Dieu est en train de voir son église au sommet qui doit être une référence. Ijapokuwa Mungu anaona kanisa iliyo juu ambayo itakuwa mfano kwa mataifa yote. Nous ne sommes pas un rassemblement de pauvres et des malheureux. Atuko mkutano ya walioteseka na maisha. Nous sommes un rassemblement d'hommes et de femmes qui impactent la génération. Nous sommes une génération d'hommes et de femmes qui enseignent les autres. Job dit, je me tenais devant mon peuple et je leur montrais la voie à suivre. Et il dit, je m'asseyais au milieu de mon peuple comme un roi. Nanasema nilikuwa nikikaa miongoni mwa taifa langu kama vile mfalme. Notre pasteur nous a enseigné sur la domination par le bien. Baba yetu alitufunza kutawala kupitia kutenda mema. Cet homme Job qui était le secours de l'opprimé. Ayubu ambaye alikuwa msaada ya wenye kuteseka. Cet homme qui était la consolation des affligés. Yeye ambaye alitia moyo wenye kutusumbuka. Lorsqu'il parlait, alipongea. Et tout son assistant disait, qu'est-ce que tu veux encore dire encore? Nous avons besoin de t'attendre. Domine sur nous. Dis-nous qu'est-ce que nous devons encore faire à cause du bien. Nous ne sommes pas un rassemblement de malheureux. Atuko kundi la watu wenye kuteseka. Ou de rescapés de la vie comme certains le disent. Ama wale wenye wamekimbia maisha, wameteseka na maisha. Que nous avons manqué quoi faire ou soit... Non, ça, ici, il y a des hommes et des femmes dont les yeux vont témoigner. Alléluia. Ambao, mecho yao itashuhudia. Ah, j'ai toujours dit, Seigneur, aide-moi que je voie ces choses que tu feras. Namwambia Bwana mara nyingi nipatie neema ya kuona mambo ambayo utafanya. Avec l'église Arche. Pamoja na kanisa Arche. Avec les hommes et les femmes que tu amènes ici. Pamoja na watu unaoleta mali hapa. Où que Dieu vous enverra. Haijalishi watu. Soyez un témoignage de Dieu. Mungu atakutuma uwe ushuhuda. Soyez un témoignage de Dieu. Uwe ushuhuda. On parle de Dieu à cause de vous. Waongelee Mungu. On parle de Dieu à cause de votre intelligence. Kupitia wewe waongee washuhudie Mungu wako. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'il y a, cette forme d'enseignement a fait en sorte que même les gens avaient honte du christianisme. Hali hiyo ya mafundisho ilifanya kwamba watu wawe na haya ya ukristiani. Pour votre information, moi j'ai même vécu ça dans ma famille. Mimi niliishi hiyo katika jamaa yangu. Dans les années 80, quand j'étais encore trop petit au début de ma vie, katika mwaka miaka 18, j'ai enfin appris qu'il y a un de mes grands-pères qui était aussi fervent chrétien au nom de la Bible en fait. Tate yangu moja alikuwa Mkristo. Alors eux là, je ne sais pas quelle forme d'enseignement ils avaient, ils disaient qu'à l'année, 90, Jésus va rentrer. Donc, à l'année 90. Et le grand-père, il dit, mais pourquoi on va continuer à dépenser encore l'argent? Ça ne sert à rien. C'est une perte d'argent. Jésus revient, nous partons au ciel. Et j'ai mes tantes et mes oncles qui sont devenus malheureux. Ils ne sont pas allés étudier, ils sont foutus. La Bible déclare, deux seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre restera. Jusqu'à ce que Jésus vienne te ramasser là où tu es là, continue à faire ton travail. Quiconque vous dira c'est telle date, il se faut. La Bible dit, nous serons en train de travailler, l'un sera pris et l'autre restera. Mwenye takwambia ni muda fulani ni bongo. Yesu anasema tutakuwa tukifanya kazi. Mmoja atakwenda mwingine atabaki. Alléluia. Amen. Cherchons la connaissance à tout prix parce que notre survie professionnelle a dépend. Tutafute ujuzi kwa njia zote maana kuendelea kwetu inalingana na hiyo. Votre supérieur peut venir vous poser une question par exemple. Kiongozi wako wa kazi anaweza kuja kukuuliza. En rapport avec votre domaine. Kulingana na hiyo unayofanya. A principe, vous devez être capable de donner satisfaction. Yabidi umjibu kama inavyofaa. S'il vient une fois, est-ce que tu peux me dire ça? Non, je ne sais pas. Deuxième fois, est-ce que... Troisième fois, mais il va se dire, est-ce que je n'ai pas commis l'erreur de mettre ce monsieur à côté de moi? Wakati anakuja kukuliza, unaweza kunisaidia kujua hii ni nini, mara pili, mara tatu, hauna vya kumjibu. Anasema, nilifanya makosa kumtia mtu kazini. Quelle est l'utilité de cette fille, de ce garçon à côté de moi? Nous le payons pour rien. Peut-être tu n'as pas actualisé tes connaissances, tu es dans toute forme de distraction, au lieu de prendre soin de ton travail. Atasema, huyu mtu tunampatia makuta za bure. Maana, hakuna ujuzi kichwani mwako. Alléluia. Amen. Nous avons besoin réellement de chercher la connaissance. Tunahitaji kutafuta ujuzi. J'aimerais pour terminer ce point sur la loi de la connaissance. Tutaongelea sheria ya ujuzi. Que nous comprenions qu'il n'y a pas de raccourci en matière de connaissance. Inamaanisha hakuna njia ya karibu kwa hali ya kutafuta ujuzi. Tu dois payer le prix pour ça. Yabidi ulipe bei. Et il y a trop de choses tout autour de nous qui sont une distraction. Na kuna vitu vingi vinapoteza muda wetu bure. Qui draine notre énergie sur certaines choses qui peuvent paraître intéressantes, mais en fin de compte, c'est une distraction et qui ne nous aide pas à avancer. Kuna vitu tunafanya, lakini haitusaidii kuendelea, inaponda muda bure. Alléluia. Amen. Vous savez, actuellement, il y a les gens qui ont créé les réseaux sociaux. Kwa sasa kuna watu wameunda hiyo ma réseaux sociaux. Il faut faire attention avec ces choses-là. Fanya angalisho na hiyo mambo. Ça peut être un moyen, une source de connaissance ou d'information. Inaweza kuwa chemchemu ya ujuzi ama wa habari. Ça peut aussi être une source de distraction qui vous fait perdre votre temps pour rien. Inaweza vile vile kuwa chemchemu ya kuzubaa. Et on a même parlé de certains foyers ou certaines familles qui sont un peu déséquilibrés à cause de ces choses-là. Na kuna majama na maunyumba zenye kukosa msimamo kwa ajili ya hiyo mambo. Et moi je me disais comment je peux manquer l'énergie pour lire la parole de Dieu, mais j'ai la forte énergie pour passer mes 31 heures devant le petit téléphone là. Muda fulani nilikuwa nikijambia namna gani nitakosa nguvu ya kusoma Biblia kwa saa moja, lakini napata nguvu ya tumika na simu yangu kwa saa moja na zaidi. Soit, au lieu de lire un ouvrage qui peut contribuer à améliorer vos connaissances, tu es là, peut-être en train de chatter, ta femme dit, papa, est-ce que... Non, je suis occupé. Ton enfant veut te parler. Non, vous me dérangez là, je suis occupé. Et le sourire que tu n'as pas donné à papa et maman, on te trouve en train de rigoler maintenant devant le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Kuliko usome kitabu unajitia kuongea kwenye simu. Mke wako watoto wako wanataka kukusemesha unasema hapana niko na kazi. Na kuliko ucheke na wao uko ukicheka na simu yako. Il y a des gens qui quittent leur boulot dit je suis fatigué. Mais depuis qu'il dit qu'il est fatigué là, il est toujours là. Il est là. Kuna watu wanasema anatoka kazini na choka. Tangu alisema anachoka anakaa na ako na kwenye simu akichate. Et après même ta famille elle n'est plus là. Nata jamaa yako ahusike nao au si c'est pour de bonnes connaissances gloire à Dieu. Kama ni kwa kutafuta ujuzi bora utukufu kwa Mungu. Vous savez il y a même ceux qui ont fait des études pour dire les gens sortent de ces réseaux sociaux brisés, découragés, déçus aussi. Kuna wengi wanatoka katika hiyo mitandao wakivunjika mioyo. Déséquilibré les yeux font mal déjà d'ailleurs pour certains. Na wamesha gonjwa hata mecho. Et il y a même des gens qui commencent à voir l'inimitié. Comment j'ai publié? Même Christian n'a pas aimé ça, c'est quoi même? Na wengine wanaanza kushikana mihali. Namna gani nilipublier? Na hata urafiki yangu émettre. Est-ce que lui a l'état même de like ce que vous avez publié là? Il y a même des gens qui disent je célèbre mes 5000 amis. Kuna wengine wanasema ninakuwa nikisherekea marafiki wangu 5000. Et les 5000 amis, nous savons qu'il y a des technologies qui multiplient de faux amis. Na kuna kuwa hiyo ujuzi ambao unazidisha marafiki wa wongo. Les Africains, nous avons besoin de nous asseoir et réfléchir sur notre futur. Wa Afrika tunahitaji kukaa na kufikiria kesho yetu. J'ai suivi l'interview de la personne qui a créé l'un de ces réseaux sociaux. Il a dit il regrette de l'avoir créé parce que ça détruit, ça abétit certaines personnes. Nilifuata mtu aliyeunda hiyo réseau social. Hizo ma réseaux sociaux akisema ninajuta kuona niliunda hiyo mambo maana inabomoa wengi. Alléluia. Amen. Nous prions que le Seigneur nous donne la discipline de chercher la connaissance. Mungu atusaidie kuwa na taratibu za kutafuta ujuzi. Si c'est pour acquérir la connaissance, l'information nécessaire, gloire à Dieu. Si c'est pour la distraction, disciplinez-vous par la kama grâce de Dieu. Kama ni kwa ajili ya kutafuta ujuzi, utukufu kwa Mungu. Lakini kama ni juu ya kuzubazuba, hapana, achana na hiyo. Pour votre information, la personne est en train de gagner ce succès de millions. Toi, tu es en train de perdre tes yeux dans les futilités, célébrer les 5000 amis, rigoler avec les gens que tu ne connais pas, et ta famille est même détruite. Alors qu'il y a des choses utiles que tu devrais réfléchir en tant qu'enfant de Dieu. Wewe unaponda muda kwa hiyo kuchate, na mwenye uko na chate hapo yeye mwenye nabio iko na chukua pesa nyingi, kuliko utafute iliyo ya maana. Alléluia. Amen. La loi de la connaissance. Sheria ya ujuzi. Vous ne pouvez pas réussir dans la profession sans la connaissance. Hauwezi kufaulu ndani ya kazi. Et la qualité de la connaissance que vous avez détermine les limites de votre progrès. Deuxième chose, la recherche de la qualité et l'excellence dans votre profession. Le deuxième point, il est rattaché au premier. Il n'y a pas d'impact sans la qualité. Il faut bien noter ce point. Il n'y a pas d'impact sans la qualité. Vous savez, même Dieu est attaché à la qualité. J'ai toujours lu avec beaucoup d'attention la manière dont il a parlé à Moïse sur le temple. Il a donné les détails sur la construction du temple. Il a donné les précisions. Il a expliqué à Moïse les matériaux qui devraient être sélectionnés pour la construction du temple. Ces choses nous renseignent sur la qualité qui doit accompagner tout ce que nous faisons. La profession, c'est une source de revenus que Dieu vous donne. La profession que toi et moi nous faisons, c'est le produit que nous offrons à la société. Il n'y a personne qui achètera la médiocrité de votre profession. Hakuna mtu mtapenda kushindwa kwako ndani ya kazi. Il n'y a personne qui achètera quelque chose qui n'a pas d'éclat. Hakuna mtu mtauza kitu kisichonga. Déjà, notre Dieu, il montre que la qualité est au centre de ce qu'il fait. Mungu anatonesha ya kama hali nzuri ni hiyo anahitaji kwa mambo tunafanya. Même si le Saint-Esprit est au milieu du temple, pour Dieu ça ne suffit pas. Même le temple doit être beau. Hata kama Roho Mtakatifu ako ndani ya hekalu hiyo itosheke. Inabidi hata hekalu iwe bora. Je sais que nous pouvons trouver des explications spirituelles à tout ça, mais ce qui est vrai, le temple il était beau et les matériaux qui étaient choisis permettaient à ce que le temple soit beau à voir. Kwa wakati wa Musa tunaweza kufasiria mambo ile kiroho, lakini eleweni ya kwamba kanisa hekalu ilikuwa nzuri. Et comme si cela ne suffisait pas, kama jinsi ilikuwa itoshelei, Dieu a dit à Moïse, Mungu alimwambia Musa, j'ai mis au milieu du peuple niliweka miongoni mwa taifa, deux personnes, watu wawili, à qui j'ai donné l'intelligence ambao nimepatia akili, et les compétences na uwezo, c'est-à-dire les aptitudes nécessaires, wana mamlaka inayofaa, pour bien travailler et mettre chaque matériel à sa place. Kwa kuchapa kazi na kuweka kila kitu kwa nafasi yake. La qualité et l'excellence dans la profession exige la compétence. Hali nzuri inahitaji uwe na ujuzi. Ça exige l'expertise. Inahitaji uwe na ujuzi bora. Si nous voulons être ces hommes et ces femmes dont l'impact chrétien affecte notre génération, kama tunahitaji kuwa watu wenye kushawishi mazingara, nous devons exceller dans la qualité et dans l'excellence. Tuwe watu wenye kuhitaji hali nzuri ya mambo. Je vous ai dit que la profession c'est aussi une source d'argent. Kazi inakuwa vile vile chemchemu ya pesa. Quand on parle de l'argent, je veux avoir l'argent, mais qu'est-ce que tu offres? Ukisema nahitaji pesa, sasa wewe unapana nini? Qu'est-ce que tu offres? Nini unapatia watu? Parce que même lorsque vous êtes salarié dans un poste, on est en train d'acheter ton intelligence. Wakati unako kilipo kwa mwezi ndani ya kazi fulani, kuna kitu wananunua kwako akili yako. Lorsque vous avez un diplôme petit, peut-être vous payera un peu plus, un peu moins. Wakati una cheti ndogo, watakulipa pesa ndogo. Lorsque vous avez augmenté un peu vos connaissances, on estime que vous méritez un peu plus. Ukizidisha ujuzi wako wanasema unastahili zaidi. La richesse c'est une opération d'échange. Utajiri inakuwa nipe nikupe. Je vous donne ma profession. Ninakupa kazi yangu, et en retour, je de l'argent. Na, ninachukua pesa. Et nous, enfants de Dieu, na sisi wana wa la Mungu, qualité doit être au centre de ce que nous faisons. Hali nzuri iwe katika mambo yote tunafanya. S'il n'y a pas de qualité, kama kuna hali nzuri, alors votre produit est destiné à une certaine catégorie de personnes aussi. Mambo unayofanya itakuwa ya watu bure bure. Il n'y a pas de progrès sans la qualité dans le travail que nous faisons. Hakuna kusitawi pasipokuwa na hali kwa mambo tunayofanya. Ce qui est beau et agréable attire un maintien pour ceux qui font même le business. Iliyo bora na nzuri inavutia kwa wale wenye kufanya zaidi biashara. Et les connaissances que nous avons doivent contribuer à améliorer nos compétences. Na ujuzi tulionayo itusaidie kukua na uwezo tele. Alléluia. Amen. Des compétences spécifiques par rapport au couloir professionnel que Dieu vous donne. Tuwe na mamlaka kwa ajili ya kazi Mungu ametupatia. Vous savez, la Bible déclare dans Proverbe 22, le verset 29. Proverbe 22, verset 29. Mezali 22, 29. Si tu trouves un homme habile dans son travail, kama unakuta mtu jitu katika kazi yake, autrement, si tu trouves un homme, une femme compétent qui fait mieux son travail, ukikuta mtu anayefanya kazi yake vizuri, il se tient auprès des rois. Anakuwa karibu ya wafalme. Vous avez lu ce passage-là? Umesoma hiyo usomi. Quiconque fait bien son travail, anayefanya kazi yake vizuri, avec habileté, na avec compétence, anaonesha uwezo, avec expertise, anaonesha mamulaka, il se trouve à un lieu élevé. Anakuwa pa nafasi ya juu. Le concept il se tient auprès des rois veut signifier c'est sa compétence lui ouvre de portes à certaines sphères réservées. Wanaposema huyo mtu anakuwa karibu ya mfalme na manisha ujuzi wake unamfungulia njia kwa kiwango fulani. Alléluia. Amen. On a raconté l'histoire d'une jeune fille waliongelea msichana mmoja qui savait bien tresser les cheveux. Alikuwa anajua kusuka nywele. Et la femme d'une autorité se retrouvait dans une fête. Na mke wa kiongozi mmoja alikuwa katika karamu. Et il se renseignait sur la fille ou l'endroit où son ami avait été tressé les cheveux. Na aliuliza nafasi ambapo rafiki yake alisukiwa nywele. Et lorsqu'on a donné l'identité de la jeune fille, walipoongelea anwani za huyo binti msichana, nous apprenons qu'il y a une voiture de cette famille de dignité qui est allée chercher la fille dans son quartier, la ramener calmement dans la famille du grand. Kulikuwa gari ya huyo kiongozi mkuu ilikwenda kutafuta huyo msichana katika kalata lake na kumbeba katika hiyo jamaa. Pendant que nous autres nous sommes devant la porte pour attendre que l'audience puisse être la porte soit ouverte, elle est entrée directement à cause de la façon de faire qui était bien pour aller tresser le cheveu qui est ton talent, qui est ta compétence, t'ouvre le chemin dans le monde professionnel. Sisi wengine tunakaa hapa tukipiga hodi watufungulie milango audience, yeye aliingia na gari vizuri na kuingia. Acha bali ama zawadi ulionayo ikufungulie njia. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de roi. Wakati ukimuona suja ndani ya kazi yake anasimama na kukaa pembeni ya wafalme. Ce que tu sais faire, fais-le encore davantage bien. Ile ambayo unajua kufanya uifanye tena vizuri zaidi. Le développement au maximum du talent que Dieu a placé à toi, c'est la clé de la réussite dans la profession. Kupanua na kuzidisha talanta ulionayo inakuwa ni funguo ya kuendelea kwako. Et vos compétences, votre habileté à faire quelque chose avec beaucoup d'aptitude sont des clés qui vous ouvrent de portes dans les lieux élevés. Ujuzi bora ulionayo inakufungulia njia pa nafasi pa juu. Vous savez, un moment j'analyse notre système d'éducation. Muda fulani nakuwa nikitafakaria mpango wetu wa maadibisho. Je pense à un moment donné, il ne nous aide pas beaucoup. Ninafikiria mpango huo autusaidie. Lorsque j'étais à l'école secondaire, on nous enseignait la géographie, la technologie, l'histoire de la France, la géographie de la Chine, mais et même tu peux échoué ton année parce que tu n'as pas bien décrit les provinces de la France. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec les provinces de la France? Nilipokuwa kwenye école secondaire wanatufunza Ufaransa, Angola, wanatufundisha. Non, Angola kwa tabia ni Grande-Bretagne, Allemagne, Charlemagne, mais c'est quoi toutes ces histoires là? Hiyo mambo yenye haituhusu hata na nikaishindwa na katika mwaka mzima. En tout cas, si j'échoue parce que je n'ai pas cité ceux qui étaient les présidents de la RDC, ok, là ça peut marcher. Mais parce que je ne peux pas énumérer les présidents de la France et je perds mon année, ce n'est pas juste. Kama nashindwa juu sikujua wa raisi wa Congo inawezekana, lakini nishindwa kwa sababu sikujua ma raisi wa Ufaransa, apana, ina maana. Vous pensez un enfant français peut rater sa classe parce qu'il n'a pas cité Lumumba, là-bas? Et je fais le booking, ni qu'on a ma histoire à Chine. Histoire. Et après, tu vas où avec l'histoire de Chine? Mina ka ni kitafakari na kusoma historia ya Chine. Nenda wana wapi? Nous avons besoin de gens qui révolutionnent notre éducation pour nous focaliser à développer les compétences spécifiques. Tunahitaji watu ambao wataleta taratibu katika mpango wetu wa madhibisho na watupatie mambo ya kutuendelesha hapa Kongo. Tu peux te rappeler de la technologie que tu as appris à deuxième année CEO, franchement. Unaweza kumbuka techno ya deuxième? C'était juste pour nous embrouiller la tête en fait. Ilikuwa natusumbua vichwa. Bon, ça t'a servi à quoi? Ilikusaidia nini? Bon, l'histoire de comment Louis XIV, Jean d'Arc, et puis tu as même un zéro à l'histoire, quoi. C'est pas possible. Et vous ne nous enseignez pas les provinces de la RDC. Vous ne nous amenez pas dans la salle de classe les matériaux de la RDC. Voici. Moi, là, je n'ai pas encore vu l'or. Je cherchais ça quand j'étais adulte. Mimi, si jawai kuona zahabu, nimeiona wakati ni mkuwa mkubwa, njoo nimeitafuta tafuta. Parmi nous, il y a déjà qui n'ont jamais vu le diamant. Kuna watu hawajaona diamant. Non, soyons sérieux. On les voit que dans des séries. Le coltan là dont on parle, toi tu as déjà vu. Moi le coltan, je le vois dans les sacs. Ça passe dans les sacs. Même ma coltan, on va toucher comme ça là. Si vous avez un sac de coltan, appelez-moi, je vais aller toucher comme le coltan. Comme on a coltan, ni te mimi nyende kuigusa. Alléluia. Amen. Les inventions que nous voyons à côté, les applications, les iPhones, le quoi, c'est de la matière qui vient de ce pays. Oui, que toi et moi nous piétinons, on te donne le coltan. Et je n'ai ni l'igiwe. Moi, ça qu'on est transformé à mon téléphone. Je paye mon billet, je paye l'hôtel. My God, this is not serious. C'est pas possible. Mambo, où sont les professionnels qui révolutionnent notre génération? Watu waku wanaunda mambo huku. C'est pas possible. Wanaunda na majiwe yetu ya bei kali hapa. Kuliko sisi tuzidishe, tunaiona tu inapita bure vile. Vous savez, une forme de l'éducation que nous avons nous prédispose un peu à être comme de tout travaux là. Hali yetu ya madibisho inatusukuma kuwa wenye kufanya mambo yote maisha. Et finalement, apparemment on ne fait pas bien aussi ce que nous passons faire aussi. Tunapenda tufanye vyote na tunashindwa vyote. Il y a 10 ans, je crois que c'était en 1999, voilà. Ilikuwa kunapita miaka 10, ilikuwa kwa mwaka wa 1999. Miaka 18. Oui, donc ça fait 18 ans. Ina kwa miaka 18. Je venais de terminer mes études secondaires une année après, je crois, ou une année et demie. Kisha kumaliza masomo yangu ya secondary. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de ces beaux pays, c'est à l'époque où la MONUSCO, à l'époque on appelait ça MONUC. Ilikuwa kwa wakati ambapo MONUC ilianza kazi. Ilianza kutumika. Moi j'étais parmi les gens qui étaient à la porte là pour attendre du boulot. Nilikuwa miongoni mwa watu wenye kusimama kumulango ya Monique kwa kuchunga kazi. Ça c'était là à côté de l'aéroport, notre beau aéroport, bel aéroport là-bas. Ilikuwa pembeni ya airport yetu nzuri. Et vous savez, frère, venez avec moi s'il vous plaît. On était souvent, venez, ne vous en faites pas, on est là. Il y a pas de souci. Tu es calé. Tu crois tu n'as piqué ma solo pal, tu n'as coulé mihindi ku barabara. On était assis là en train de manger des volontaires qui veulent ces jeux. Des maïs. Viens, viens, viens. Viens. Vous avez peur, venez vous asseoir avec nous. Tout comme Mukanisa a boire, n'a problème. Amen. Vous achetez un peu de maïs, Munakula, Garina Pita, Vumbira Pita, quoi pas les Kidog, Munavuta. Vous payez des arachides. Et ensuite, Badaï. Mais on était toujours stratégique. La porte était là, donc la porte de l'enclos. Donc, même si tu manges là, tu dois voir le mouvement de la porte. Ulikuwa nakula mwindia kwa hapa ndoko naangalia gisi mlango iko na cheza cheza. Tu peux être distrait parce que si tu viens après, peut-être quelqu'un va entrer, toi tu n'entres pas. Ukikuja baadaye mwingine atakutangulia. Et on voyait quelqu'un sortir de la porte, si c'est la peau blanche surtout, tous. Qu'est-ce que tu peux faire? Tout travaux. Je peux tout faire. Papa, peut-être dans cette salle, il y a déjà avec qui j'étais là-bas. Je suis là. Seigneur, c'est pas possible. C'est moi. Et moi. On voit un monsieur qui se prend comme ça. Et nous voyons un blanc qui se tient. Il voit un peu le nègre, il se moque un peu de ce nègre là. Et puis on voit un monsieur, il rentre encore dans sa clôture. Badai wewe mtu tena narudia mlupango. Nous restons. Nasi tunarudia. Alkia tu chezesha ou c'est quoi encore? Il est venu se moquer de nous ou quoi? On rentre encore. Tunarudi tena. Et après il va dire jardinier. Badai anasema mwenye kutengeneza majani. Allez vous asseoir. Et toi qui as dit tout travaux, en fait, il faut aller répondre. Ouais, kazi zote. Et il commence, bon, on vient encore tous. Il pose un peu quelques questions. Il trouve qu'il y a quelqu'un qui connaît quand même le nom de cette fleur, de ce, comment ça se fait. Et il y a quelqu'un qui entre. Ana ulize anasema nani ko pale? Kuna mtu mwenye kujua jina ya majani, bon, huyo anaingia. Maua. Donc finalement, le jardinier entre et nous, le tout travaux, on reste là. Yule mwenye kujua kutengeneza maua anaingia na si mwenye kujua vyote tunabakia. Frères et sœurs. Wandogo. En tout cas, j'ai vécu cette expérience mais ça m'a révolutionné. Niliishi mambo ili nikera moyo. En fait, je courais aussi comme tout le monde mais j'ai dit je vais courir jusqu'à finalement. Nilikuwa nakimbia sawa watu wote nikajiuliza ndakimbia mpaka lini? Pour votre information, ça c'est mon histoire. Hiyo ni historia yangu. J'ai couru pour dire tout travaux. Nilikimbia nikisema mimi nafanya vyote. Après j'ai eu honte, je dis c'est pas possible. Baadaye nilisikia haya nikasema haiwezekani. Je vais rentrer à l'université. Narudia kwenye university. Je suis allé travailler dans un dépôt pendant une année. Nilikwenda kutumika ndani ya dépôt. J'ai économisé l'argent. Mwaka mmoja niliweka pesa. À ce moment-là, je collaborais avec mon papa et je suis rentré, j'ai dit je laisse tout, je rentre à la faculté. Nikasema narudi kusoma. Nilikuwa nikiongea na baba. Hii ni kazarawi, c'est quoi cette histoire? Ça c'est le mépris. Où quelqu'un vient, il se moque de nous et puis voilà, ainsi de suite, nous devant la poussière. Gardez-y qu'on a touché à vous, mais qu'il a pas les pions, et nous considère même. C'est quoi cette histoire? Mouton a couché dans tout Kenyeke, Kubule, dans tout Tchekatchek. Frères et sœurs, tu as besoin de chercher une connaissance, une compétence spécifique. Waitaji kutafuta ujuzi. Je bénis le Seigneur parce que cette décision m'a été utile dans ma vie professionnelle aujourd'hui. Iwamzi imenifaidia leo katika kazi yangu. David se retrouvait près du roi simplement parce qu'il savait bien chanter. Daudi alikuwa pembeni ya mfalme maana alikuwa akijua kuimba. Exploite, développe une compétence spécifique pour réussir au plan professionnel. Zidisha nguvu ya kufaulu ndani ya kazi yako. C'est cette qualité qui vous maintient sur le marché de l'emploi. Ni hiyo hali itakusaidia usitawi katika kazi. Sur le marché professionnel. Ndani ya kazi yako. Vous pensez que si vous êtes un médecin et que quelqu'un vient dans votre clinique et qu'il est décédé à cause de, comment on appelle ça, la césarienne ou soit l'appendicite, les gens reviendront dans cette clinique là? Kama mtu alikufa na mimba japokuwa wewe ni daktari mkubwa. Je, watu watakuwa na hofu? Hapana. Il y a pas de compétence, il y a pas de qualité. Aujourd'hui, on ne peut pas mourir à cause de la césarienne. Leo haiwezekani watu wafariki kwa ajili ya kupasuliwa kwa kuzaa. On parlait d'un monsieur qui était avocat et à la fin dit: "Monsieur le juge, je demande que vous puissiez condamner mon client." Mtu moya alikuwa mwanasheria anasema muhamzi naomba hukumu huyu mtu wangu. C'est la distraction, c'est les compétences, c'est Nikuzuba. On est pris en charge par une démon. Attends, j'étais pris comme et puis je suis là, j'attends une bonne parole de acquitter ou ainsi condamner mon client. Sasa najiuliza huyu mtu alishikwa na mapepo ama ni kutokujua ama ni nini? Tu es en train de crucifier ta profession. Uko na uwa kazi yako. Pour faute de connaissances et de compétences. Juu ya kukosa akili na ujuzi. Tu es une couturière ou un couturier, les gens amènent leurs pantalons et toi, ils disparaissent en fait. Tu penses que moi je vais encourager que... En fait, pour votre information, j'ai acheté une belle veste à un moment. J'amène le pantalon qui était gros. Mina kuye kamata, basha tobo la pevi. Je n'ai jamais porté ma veste. Toi, tu penses que je vais amener quelqu'un là-bas encore? C'est fini? Hapana kufanya na uzembe kazi unayofanya. Usikimbize watu. Alléluia. J'aime ces hommes et ces femmes qui comprennent le sens de la qualité dans leur travail. Napenda watu wanaohitaji hali bora katika kazi wanayofanya. Alors, nous allons nous limiter par là. Nous sommes en train de parler de la recherche de la qualité, de l'excellence pour un impact dans votre profession. Tukonongelea kuhusu kutafuta hali bora ndani ya kazi unayofanya ili kwamba paonekane mashawishi katika kazi yako. Et nous avons montré que la connaissance que vous avez doit contribuer à développer vos compétences parce que ces compétences soutiennent la qualité de votre travail. Ujuzi wako ukusaidie kuzidisha hali nzuri ndani ya kazi yako. Réussir dans la profession pour augmenter l'impact chrétien exige les compétences. Kufaulu ndani ya kazi kwa kuweza kuzidisha ushawishi wa Kikristo inahitaji uwe na ujuzi kubwa. Alors, je termine par un exemple. Vous savez que moi, prêchant ici, je peux commettre des petites fautes d'orthographe. Bon, ça passe. Unajua, mimi nikihubiri hapa, naweza kumwanga. Mais depuis que j'ai commencé, vous avez déjà identifié certaines. Tangu nimeanza, mulisha pata wapi nilimwanga. Mais le jour où nous allons créer une radio, une télévision, il n'y a pas de place à ces fautes-là. Lakini siku tunaunda radio, hakuna mchezo. Alléluia. Amen. L'église va faire un véritable test qui est la fille, le garçon, le frère, la sœur qui parle bien, une belle voix, une voix journalistique qui peut convaincre, ainsi de suite. Il ne s'agit pas, là papa, nous qui sommes là, vous qui sommes à atteindre la perfection. Non, ça ne marche pas. Wakati kanisa italeta radio, watatafuta watu wenye kujua kuongea lugha vizuri. Alléluia. Hapana kusema mala papa. Si moi je ne sais pas parler, je dis ma place est ailleurs. Ni bien mnajua sema bien, muende mu studio. Na Mungu atukuke mwaile masemi yenu cool et ça passe. Si je n'ai pas l'art oratoire, je dirais à ceux qui à celle qui maîtrise, allez et faites ce travail. C'est votre compétence, votre expertise qui va vous donner la place dans ce studio généreux, prestigieux. Quand tu es là, tu parles au nom de Dieu, au nom de, du peuple du Seigneur et les gens sont édifiés de l'impact. Ni ujuzi wako ndio utakubeba katika hiyo studio kwa kuweza kuongea. Dieu te donne la grâce de commencer à écrire les ouvrages. Mungu anakupatia neema ya kuanza kuandika. Moi, si je commets des fautes ici, tu n'as pas de place de faute dans les livres. Il n'y a pas de place de faute dans les livres. Ndani ya vitabu hakuna kutia ma erreur. Il y a quelqu'un qui va voir un peu les fautes grammaticales. Ndio kitabu ya hii, anatia pembeni. Kuna mtu ataona wapi uliharibisha mambo anakuwa découragé na natia pembeni. Parce que c'est la qualité qui permet que les gens consomment votre produit. Ni hali nzuri inafanya kwamba watu wahitaji kufaidia kuingia kilindini ya mambo unayofanya. Et il y a plusieurs personnes que Dieu a appelées ici à des grâces, à des élévations vraiment qui vont étonner le monde, mais vous devez améliorer les compétences que Dieu vous a données. Kuna watu wana neema ambao Mungu ameweka juu yao kwa kuweza kushawishi ulimwengu lakini yabidi mukomalishe ndani mwenu ujuzi bora. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions nous arrêter là-bas, nous allons nous lever. J'aimerais qu'on chante cette partie de ce cœur, proclamons sa grâce au cœur de sa vie. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons la gloire de Dieu. Bannissons la peur. Chantons la victoire. Parce que notre Jésus est vainqueur. Alléluia. Amen.